Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Histoire d'amitié, une série de Leïla Djitli réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a les drôles de famille qu'on se bricole, ce film qu'on a vu 20 fois tous ensemble, les vêtements qu'on se prête et parfois une clique qui devient un projet de vie. Alors pour commencer, les personnages. Une femme sur son tracteur, une maraîchère et son bébé, un brasseur à lunettes, un boulanger dans sa yourte, une éleveuse de cochons, une autre qui traite ses 8 vaches et des cuisiniers d'un jour. Ensuite, le décor. Une ferme, le Limousin, une école d'ingénieurs, brocolis, fenouil et potimarron, des hangars, la gadoue, une caravane, des pâturages, une serre, la cloche du déjeuner, la pluie et une entreprise. Aujourd'hui, quatrième épisode, on se gare dans la cour. On peut se garer où ? Bonjour ! Bonjour ! On peut se garer où ? À côté de la voiture là-bas. Ok. Nous voici à la tournerie. Je sortais à tout hasard. Bonjour. Bonjour. Joséphine. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Et le bébé. Oui, et Abel. Et Abel. Bonjour Thomas. Enchantée. Ça va. Thomas. Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Arciné. Bienvenue à la tournerie. Bonjour. Max le fromager là-bas. Le brasseur Julien avec ses lunettes. Et là. Hélène qui est éleveuse, donc qui s'occupe des chèvres et des vaches. Et Louis qui nous aide depuis une semaine maintenant, qui est de passage ici. Et vous êtes à combien en permanence là ? À travailler sur la ferme, on est 11. Histoire d'amitié, la ferme de la tournerie ou la force du groupe, un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Véronique Samuilov. C'est que je vais démarrer le tracteur, ça risque de faire beaucoup de bruit. Vous allez faire quoi avec le tracteur là ? Je vais déchaumer pour remettre la terre propre avant de ressemer. Au fin fond du Limousin, à la ferme de la Tournerie, 11 jeunes paysans, 5 filles et 6 garçons ont décidé de transformer leur amitié en une aventure collective. Une belle histoire, comme je les aime, l'histoire d'une bande de copains. Dans une campagne luxuriante, authentique et pleine de charme, comme dirait un guide touristique, ils ont créé leur entreprise agricole. Prendre la route de Saint-Yrieix-la-Perche, puis la départementale D17, direction Coussac-Bonneval, pendant une dizaine de kilomètres, puis ralentir, ouvrir grand les yeux, ne pas rater le panneau indiquant la tournerie et tourner à droite sur un petit chemin coudronné, et nous voilà arrivés directement dans la cour de la ferme. Ici, on croise Max le fromager, Hélène l'éleveuse de chèvres, Thomas le maraîcher, Charline l'éleveuse de vaches, Clémence éleveuse de cochons, un autre Thomas dit Toto, Julien le brasseur de bière, Hélène l'éleveuse de chèvres, Laurane et Baptiste les deux architectes et Arsinoé la stagiaire et Joséphine la maraîchère avec son bébé dans les bras. Ensemble, ils cultivent des légumes, produisent de la viande de porc et de vache, du fromage de chèvre et de vache, qu'ils vendent au marché de Limoges et à la ferme en vente directe. Ici, à la tournerie, pour 11 copains d'école, un monde meilleur s'invente au jour le jour. Donc ici, c'est la place centrale de la ferme ? Oui, c'est la cour de la ferme de la tournerie. C'est un peu en étoile, non? On dirait qu'il y a des bâtiments tout autour de cet endroit. En l'occurrence, on a repris suite au décès de l'ancien agriculteur qui, du coup, lui, était avec sa famille depuis plusieurs générations. Bon, la petite maison-là, c'était les arrière-grands-parents. Ici, c'était les grands-parents. Et là, c'était les parents. C'est vrai que ce côté accueillant que présente la ferme a fait partie aussi de notre décision. Voilà, c'était aussi un petit coup de cœur grâce à cette cour. On s'est connus à l'école, notre école d'ingénieurs après bac à Lille. Aucun d'entre nous était, voulions être agriculteur à l'époque, puisque c'est une école qui, du coup, ouvre plutôt à des métiers en lien avec l'agriculture, mais pas à celui d'agriculteur. Donc là, on s'est rencontrés, on est devenus amis. On était une belle bande de potes, disons. On a tous été colocs à des moments de notre cursus. On avait vraiment une vie quotidienne ensemble, entre voilà, l'école qui nous prenait quasiment toutes nos journées, et la vie le soir, le midi, où on mange ensemble. Donc il y a vraiment une vie... une vie de famille, une vie de coloc que moi j'assimile un peu, s'est créée. Donc là, on est devenus très très proches, parce que ça a été donc pendant 5 ans. Ça a créé des liens entre nous très forts, avec une ambiance de promo aussi. Il se créait quelque chose à l'école où on était tout le temps ensemble. On avait des cours de 8h à 18h. Le soir, on enchaînait puisqu'on vivait ensemble. On a fini par se connaître énormément dans nos réactions les plus quotidiennes, les plus intimes. Dans notre histoire aussi, le fait de, petit à petit, chacun se connaissait très bien, connaissait l'histoire des uns des autres. Et en fait, via nos stages demandés par l'école, via les apprentissages qu'on avait là-bas, on s'est construit une vision commune de l'agriculture, de ce qu'à notre sens devait être une ferme. Donc on a eu l'envie de s'installer ensemble pour justement mettre toutes nos idées en action. Donc après, ça c'était plutôt un projet de... dont on parlait en fin de soirée, parce que on trouvait ça cool, on refaisait le monde, et que en fait ce projet représentait ce qui était un monde meilleur pour nous. Mais petit à petit, en fait, on s'est dit on en a vraiment envie, on a vraiment envie de s'installer. On se voit pas vraiment faire des boulots d'ingénieur. Donc là, on s'est un peu donné les moyens de se réunir dans un premier temps. On était tous à des coins différents de la France pour nos premières expériences professionnelles, et on essayait vraiment de se réunir très très régulièrement. Pour se poser la question dans un premier temps, est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce qu'on y va? Moi, je me serais jamais installée toute seule, par exemple, et je ne m'installerai pas avec d'autres. Donc c'est ces gens-là que j'ai choisis, mais en fait, parce qu'on est devenus copains, ce qui a fait qu'on est devenus copains, c'est... je pense qu'on avait le même humour, on rigolait aux mêmes conneries, je pense qu'on avait la même manière d'être. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme activité sur la ferme? Moi, je suis au maraîchage, production de légumes. D'accord. Voilà. C'est où ton potager? Il est... On est derrière. On peut y aller? Oui, bien sûr. Allons-y. Donc, on va faire le tour. Vous n'avez pas de bottes. Là, c'est l'endroit où on prépare toutes les commandes, où on stocke nos légumes dans la chambre froide, donc qui est dans le fond là. Et qu'est-ce qu'elles font, les deux? Là, elles sont en train de préparer les commandes, parce que demain on livre des magasins de producteurs sur Limoges qui nous ont fait des commandes, et on prépare les colis qu'on livrera demain matin. Alors là, il y a des potirons. Des potimarrons, ouais. Ah, potimarrons. Pas des potirons, c'est des potimarrons. Et de la salade, des brocolis. Des choux romanesco, des choux-fleurs, des épinards, de la mâche, des choux rouges, des fenouilles, Il y a des tomates encore, quelques cajots, les derniers cajots de tomates, salade. Bon, en ce moment, on a à peu près tous les légumes, carottes, beaucoup. Toutes les courges, les pommes de terre. Donc comment vous partagez le travail ? Chacun a sa production attitrée. Donc là, nous, on est 3,5 en maraîchage. Il y a un brasseur, un boulanger, un fromager. Chacun est réparti par production, qu'on avait choisi par affinité à la base. Et au sein de son atelier de production, chacun prend les décisions propres à l'atelier. Et après, pour tout ce qui concerne les décisions plutôt globales et stratégiques, ou voilà, quelque chose qui impacte vraiment les autres, on a une réunion tous les mercredis pour en discuter. Voilà. On est dans un très beau chemin de terre. Pas tant que ça. Là, vraiment, c'est très beau parce que les couleurs de l'automne, c'est absolument magnifique. Et puis, il y a une, à droite, une immense serre et à gauche, une yourte. C'est la yourte d'Alexis, donc le boulanger. Derrière, il y a une caravane qui nous sert à accueillir les gens de passage qui viennent nous aider. Et voilà, et ensuite toute la parcelle de maraîchage, puis tous les légumes cultivés autour, ce qu'on appelle le plein champ. C'est 84 hectares, c'est absolument immense. Hein. Mmh. Derrière nous, il y a plutôt la partie élevage. Et après, effectivement, cette colline, ce sont aussi nos terres qui servent à faire pâturer les animaux. Et les chèvres, on ne les sort plus là depuis un moment. Et les cochons sortent, mais uniquement autour du bâtiment. C'est toujours la même parcelle. Et vous n'avez pas changé le nom de la ferme, elle s'appelait la Tournerie. En fait, tout le monde nous appelait la ferme des 11. Et on s'est dit qu'il fallait pas qu'on s'appelle la ferme des 11 parce que s'il y en a un qui partait, on était foutus. On allait toujours être rappelé à notre échec, en fait, qu'il y avait une personne en moins. Et le logo, ce sont des engrenages parce qu'on voulait que ça soit à l'image des gens et des ateliers de production du projet, voilà, qui s'imbriquent et qui, ensemble, font quelque chose. Ici. On arrive dans la serre. Voilà, donc en ce moment c'est la fin des tomates et puis le début de la mâche, des épinards, de la roquette, des feuillages. On fait donc de la vente directe au magasin le mardi et le vendredi. Là, par exemple, on est en pleine récolte de carottes, on s'apprête à avoir une petite vingtaine de tonnes de carottes. Après, en poireaux, ça se compte. On est plutôt à 30 000 poireaux. Ah, oh, il y a un petit chat. La grosse satisfaction du maraîchage, c'est qu'on envoie du volume, en fait. C'est vrai que c'est des palettes et des palox qui se remplissent. Et ça, c'est satisfaisant aussi. De voir des palettes chaque mardi matin partir à Limoges, c'est très satisfaisant. Après, ce que j'adore dans le maraîchage, c'est que justement, on est souvent beaucoup. Nous, dans le système qu'on a créé, très souvent, on bosse à plusieurs. On bosse à plusieurs autour d'une planche de carottes ou d'une récolte de épinards. Et du coup, bah, en fait, on discute, on dit des conneries, on se marre. Bon, on continue le petit chemin de terre, là. Ça va? On marche sur les carottes là! Ah ben non, les carottes elles sont là. Ah d'accord! Ça c'est des fans de carottes. Ah d'accord! Mais ça c'est pas. C'est pas bien. Marcher plutôt non, là, ça va être. Pardon. Là c'est ça vient d'être retourné. C'est un mélange de fans de carottes et de pâquerettes. C'est joli! C'est assez joli mais c'est assez chiant à désherber. Le monde agricole ou en fait le monde le monde, ça va, il y a tous les sujets. Ce matin, on a fait quoi? On a fait le pouvoir du pétrole, la mécanisation. Ça dépend des jours. Puis aussi, des fois, on peut juste raconter des conneries. Bah là, moi, j'ai beaucoup de petites. Hein. Ah oui, mais ça, tu vois, c'est la variété ancienne. Voilà, hop. Chaque semaine, le mercredi, dans une des maisons d'habitation, nos 11 jeunes paysans quittent leurs bottes et se retrouvent autour d'une tisane pour décider des priorités de la semaine. Aujourd'hui, il y a du travail chez les maraîchers. Il faut les aider à finir la récolte des carottes, à la main, agenouillés dans une terre humide, tous les bras disponibles s'y collent. Au bout de la planche. Thomas, il faut que tu me racontes ta version à toi de cette aventure. Des 11 copains d'école. Allez, on s'entendait tous plutôt très bien, on aimait bien faire la fête ensemble. Et puis aussi on débattait de pas mal de choses qu'on apprenait à l'école. Et puis en fait on s'est sensibilisé aux questions de l'agriculture, quoi. Et ça nous a vachement intéressés. Et en fait, au fil des débats, on s'est dit que ce serait quand même pas mal de faire une ferme ensemble entre potes, parce que déjà, ce serait vachement sympa d'avoir une vie ensemble. Et en fait, on en parlait plutôt en fin de soirée. Bien arrosé. Ah ben oui, en fin de soirée étudiante, forcément, c'est pas. Et petit à petit, on en discutait de plus en plus, jusqu'à ce qu'on fasse une première réunion. Ça devait être en quatrième année. Ouais, janvier 2012, un truc comme ça. Et du coup, on était 9 à cette réunion où on a dessiné sur un tableau nos envies de la ferme. On a dessiné chacun ce qu'on imaginait. Du coup, il y avait du maraîchage, il y avait des animaux, il y avait une radio associative, il y avait un bar. Suite à ça, on a eu notre diplôme. On a travaillé tous un peu à droite à gauche dans le milieu associatif d'agriculture alternative. Pendant cette période, ça a duré un an et demi, quelque chose comme ça, un an et demi, deux ans. On se réunissait grosso modo toutes les deux, trois semaines. On commençait le vendredi soir à minuit parce qu'on était aux quatre bouts de la France. On se couchait genre vers 4-5 heures du matin et puis le lendemain on faisait une réunion, puis après on faisait la fête jusqu'à 4-5 heures du matin et puis le dimanche on repartait. C'était un rythme un peu chaud, mais c'était vraiment chouette parce que c'était une émulsion, on était hyper motivés pour le projet. Du coup on essaie toujours de profiter du moment qu'on soit ensemble, etc. Et pour réfléchir aussi à des choses qu'on avait envie de faire ensemble, quoi. Mais on peut dire que c'est de l'amitié, c'est de la camaraderie, c'est du compagnonnage. C'est quoi votre lien à tous? Je pense que c'est de l'amitié, oui. Ouais, ouais. En fait, la question qui se pose quand on a un groupe comme ça et de 11 personnes, c'est est-ce qu'on peut s'aimer à 11? Est-ce qu'on peut s'aimer à 11? En fait, il y a une entité qui se crée, je pense... qui est l'entité groupe, qu'on apprécie tous énormément, quoi. C'est pas un projet de travail, c'est un projet de vie, quoi. Au-delà de travailler ensemble, on vit ensemble, donc on est quand même libre, etc. Mais forcément, quand le choix de quelqu'un va avoir de l'incidence sur les autres, forcément. Mais, par exemple, l'envie de travailler moins, l'envie d'acheter quelque chose, une maison, l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'avoir plus de vacances, l'envie de gagner plus d'argent, enfin l'envie de. En fait, chaque envie. Vous implique, c'est ça? Ouais. Et en fait, le but du jeu, c'est de réussir à ce que tout le monde se sente bien avec ses envies et les envies des autres. Libérer les choses. Passer, passer. Et le fait d'être à 11 comme ça en permanence, c'est vraiment une manière de se sentir plus fort ? Bah oui, on se sent capable de tout. N'importe quel chantier déjà est possible, parce que ben voilà, s'il faut être 3 ou 4 pour porter un truc, déplacer quelque chose, ben en fait ça on sait que 3 ou 4 personnes ça va se trouver facilement. Donc c'est clair qu'on se sent plus fort, chaque nouveau projet est porté par plusieurs personnes, il y a voilà, les discussions vont un petit peu plus loin, on va plus vite sur voilà, qui contacter, qui et du coup le projet aboutit en fait plus vite. Vous n'avez pas intérêt à trop vous empêtrer dans des conflits parce que vous êtes tous concernés. Ah oui, pendant qu'on se formait, avant d'arriver ici, on a eu d'abord 2 ans de construction de projet. Et c'est vrai que le fait de faire un GAEC, donc la structure juridique qui nous réunit tous, on nous a souvent dit que c'était comme un mariage, que voilà, là on rentrait dans une relation autre que l'amitié entre nous, qui est de celle en fait où on se tient tous pour dégager notre salaire, pour faire en sorte que la ferme fonctionne. Tout est quelque chose de global en fait. Le temps, c'est un temps global qu'on se dispatche entre nous. Le salaire, on gagne tous la même chose, quelle que soit la rentabilité des ateliers auxquels on est affilié. Donc ouais, là, il y a un lien autre qui s'est créé, mais moi, je dirais qu'on est avant tout des copains avant d'être des associés et, du point de vue professionnel. Enfin, déjà, je pense que ce qui a créé cette amitié très forte, c'est aussi, on est tous issus à peu près du même milieu social. Voilà, on a tous fait une école d'ingénieur privée, donc ça veut dire que nos parents avaient la possibilité de nous la payer. Je pense qu'il y a aussi quand même je dirais pas des valeurs, mais une culture qui était la même. On est tous convaincus d'un modèle agricole qui est l'agriculture bio, qui est la paysannerie, hein, des circuits courts, de la vente directe. Ça, on a tous été convaincus assez vite dans nos études, alors que pour certains d'entre nous, en arrivant à l'école, toutes ces questions étaient sans réponse. Enfin, c'était même pas des questions, je dirais même. Et ça, c'est voilà, c'est des questionnements qui sont arrivés au cours du cursus. Elles sont arrivées du coup en même temps pour tout le monde. Donc voilà, ça déjà, ça nous unit énormément. Cette vision commune, ces valeurs concernant le milieu agricole. Là, on se retrouve tous, on est tous d'accord. Ni camarades, ni compagnons, mais tous d'accord, tous ensemble, liés comme jamais dans ce projet, tout est discuté en groupe, une petite démocratie en quelque sorte. Il y a chez nos 11 amis d'école un souci quasi permanent de lisser les désaccords trop durs, d'éviter les ressentiments qui pourraient mettre en péril leur entreprise. Ce projet ambitieux, ils le vivent au fond comme un défi et surtout comme une obligation de réussite. Moi je m'occupe des cochons, la partie céréales aussi, et l'entretien des tracteurs un peu, ça tombe tout le temps en panne ce genre de choses. Et c'est ton tour de cuisine. C'est ça. Là tu en fais pour... On est 17. Ouais. Nous sommes en automne et il commence à pleuvoir. C'est une habitude à prendre. Dans la cuisine, c'est au tour de Clémence, l'éleveuse de cochons, de faire le ménage toute la semaine et de préparer le repas pour toute la compagnie. Ça t'embête pas de découper tes petits cochons dans la poêle? Non, non, non. Faut réussir à avoir le détachement au moment où, quand on les élève, le but c'est vraiment de prendre soin d'eux, qu'ils soient bien, bien nourris, qu'ils soient au mieux. Et après, par contre, une fois qu'on les emmène à l'abattoir, faut se détacher de ça et voir l'animal différemment. Sinon, on les emmène jamais. Sinon, c'est impossible. C'est bientôt l'heure de déjeuner. Les 11 amis paysans et leurs apprentis et visiteurs de passage quittent leur poste de travail et arrivent les uns après les autres dans la grande salle de réfectoire. Donc il est midi et demi, on se retrouve tous pour manger. Donc autour de la table, il y a Hélène, Thomas, Clémence, Louis, Laurane, l'autre Thomas, Charline, moi Joséphine, Benjamin, Arciné et Alexis qui devrait arriver, et Maxime aussi. Ça m'avait pas manqué la flotte, putain. Il pleut pas. Là c'est boueux. Dit-elle dans sa stabilité sèche. Échauffé par le tracteur tout sec. Franchement là les maraîchers, moi je trouve que vous êtes jamais contents. Moi je me plains pas là quand même. Maintenant il faut du soleil. Ah, c'est long, hein. C'est clair, il est midi, presque 45. Oh, aïe, aïe, oh là là. Comme si tu avais été le pire repas. Ça va, ça m'est arrivé une fois. C'est vrai qu'on pourrait avoir le pire repas de l'année, le meilleur repas de l'année. C'est facile quand on fait des pâtes à la sauce tomate. Qui sont réussies. Tout le monde est content. Non, il n'y en avait pas assez. À midi et demi. Ça, en plus, alors déjà que c'était des pâtes à la sauce tomate. Mais ta veine, c'est que tout le monde n'est pas arrivé à l'aide. Non, mais moi j'essaye. Merci. Tu te sens lésé? J'adore ça. Tu te sens lésé? Prends ton auge. Merci. Tu te sens lésé? Ouais. Bonjour. Allez, à bientôt. Qui d'autre? Ma mère mettait poulet au four et en revenant il y avait un poulet rôti. C'est la récompense d'être allé à l'église. On passait nos examens dans une chapelle. T'avais plein de tables individuelles les unes à côté des autres. Puis t'avais des dames désagréables qui nous surveillaient. Qui allaient très bien avec l'ambiance du truc austère, quoi. Ici. Au centre de la tournerie, il y a une place comme dans un village, un lieu central autour duquel la vie de la ferme s'organise. Il y a des étables, bergeries, l'atelier où l'on découpe les légumes et les maisons communes. Avant l'arrivée des 11, une seule famille de paysans vivait là et cultivait les terres. Charline aussi, je me disais que c'est vrai que le lieu ici, il y a plein d'animaux, il y a un mélange d'odeurs, il y a un mélange d'images entre la nature là, qui est flamboyante et grâce à l'espace et puis à tout ce qui peuple cette ferme, les gens, vous êtes tous jeunes, beaux, les animaux, ils sont tous absolument magnifiques, et puis les couleurs, et puis la campagne, et puis le vent là qui nous caresse depuis ce matin, on se dit qu'il y a quand même un vrai plaisir à vivre ici. Je pense qu'on a trouvé le lieu idéal, oui. On l'a construit aussi un peu à notre image pour qu'on s'y sente bien, nous. Donc, dans un sens, oui, on y est bien, mais parce qu'on l'a amené à ce qu'on s'y sente bien. Parce que c'est des projets de vie, quoi. Enfin, c'est un projet de vie. Pour la deuxième fois de la journée, Charline est à l'étable pour la traite des vaches. Qu'est-ce que tu vas faire, Charline, là? Du coup, je lance la traite. Voilà. Du coup, juste, faut pas s'approcher de elle. Et vous pouvez rester derrière le cul des vaches, mais de cette partie-là, quoi. T'en as combien? Là, à la traite, il y en a 8. On en a 15, mais qui tournent. Là, il y en a qui sont taries parce qu'elles vont mettre bas, etc. C'est le roulement, quoi. Tu nous les présentes, alors, tes vaches? Du coup, Résiste, Icône, Joyeuse, Yolive, Justine. Là-bas, c'est Murmure. Et tout au fond, c'est Lotus. C'est la première qui est née sur la ferme. Donc, c'est à la machine, mais par contre, le lait, il est dans le pot. Après, je me balade le lait, quoi. Mais au moins, j'ai pas à faire à la main. Des vaches et quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je fais la traite des vaches et je suis en binôme avec Hélène sur l'élevage de vaches. Du coup, on fait tout ce qui est traite, élevage, suivi des. Enfin, tout ce qui est reproduction, enfin, bref, tout le travail de l'éleveur, donc les foins, l'alimentation et tout ça. Et après, moi, mon autre mi-temps, c'est en maraîchage avec les légumes. Si, parfois je m'en prends des coups de sabot, ouais. Mais c'est au début que je me prends des coups de sabot, après elles sont plus calmes, ou quand elles ont mal. En fait, elle a un treillon très très abîmé, que je traie pas, et là elle a peur que j'y touche, donc elle est méfiante, quoi. Je pense qu'elle se capte pas que je la soigne, elle... Voilà, c'est tout. C'est tout, mon gars. C'est tout. Voilà, c'est fini. Il y a autant de filles que de garçons, en fait. Il y a autant de filles que de garçons. Après, c'était pas fait exprès. Ça s'est fait naturellement, quoi. Le monde qu'on voulait créer, c'était notre monde. Je pense que ce qui nous motivait le plus, c'était de bosser entre amis. C'était un bon début. Et après c'était un rêve, l'expérimentation d'un modèle agricole plutôt. Voilà, on est tous co-gérants, on est tous au même niveau et puis on bosse tous, on prend les décisions. Après, on n'est pas seulement une coloc, je pense, on a mis tout notre argent ensemble, on travaille ensemble. Enfin, tout ça s'est organisé beaucoup plus globalement, quoi. Donc je pense qu'au niveau perso, ouais, on a essayé de créer un fonctionnement pour vivre et que tout le monde s'épanouisse ici, ce groupe-là, quoi. Après, au niveau du travail, je pense qu'on n'a pas... on est beaucoup dans une société et c'est une question d'organisation. Après, il y a une question d'entente aussi, mais tout ça, ça se travaille. On a tous nos responsabilités sur chaque atelier et du coup, c'est que de l'organisation, quoi. Enfin, c'est surtout de l'organisation. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Comment on prend soin les uns des autres à 11 en fait? Prendre soin des autres, ça passe par essayer de se garder des moments où on parle pas du boulot. Par exemple, nous, on a instauré tous les jeudis soirs, on se fait une bonne bouffe tous ensemble. Et là, c'est le rendez-vous où tout le monde essaye d'être là. Évidemment, on a chacun nos trucs de notre côté, mais le jeudi soir, c'est vraiment, je pense, dans la tête de tout le monde, le moment où le collectif est conjoint extérieur ou ami invité, n'importe. Et là, et on se fait un bon repas. Souvent, on se met plus de repas, on est trois de repas, et là, on fait vraiment un repas avec de la viande, un dessert, enfin voilà. Et c'est un moment où on prend longtemps l'apéro, on se retrouve quoi. Je pense que ça c'est important. En fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, eh ben, avec la première année d'installation, on était fatigués, on avait moins envie de faire des grands repas, on allait vite se coucher. Voilà, et on s'est dit, il faut qu'on. Le week-end, on n'était plus forcément là. Du coup, on s'est dit, bon, on met en place un truc où on continue de s'éclater quoi. Et en fait, ça a vachement bien pris, non pas qu'on se soit obligé, mais en fin de compte, c'était le prétexte pour se retrouver et discuter tous ensemble. J'ai peur que tu te prennes un coup de sabot. Non, c'est piège. Attends, je la branche, c'est le moment. Et après, au niveau de l'organisation, c'est beaucoup. Enfin, au niveau du travail, là, on est suivi par une association en communication non violente, qui nous aide à résoudre certains petits coins de blocage ou des choses comme ça. Enfin, on amène les thèmes et puis lui, il se démène un peu avec tout ça et il essaie de nous proposer des outils ou des petites animations pour ou simplement de la théorie pour nous expliquer, montrer, aider, enfin tout ça quoi. Après, c'est pour fixer les objectifs aussi, que tout le monde s'y retrouve au niveau de... vers quoi on va? Est-ce qu'on se libère du plus de temps? Est-ce que non, on se libère plus d'argent? Est-ce que en fait, il y a des choix techniques qu'on ne veut pas passer au-dessus? C'est les trois points vers quoi chacun tire un peu selon le moment de la vie et selon les personnalités aussi, quoi. Et après, en fait, de fait, c'est plus facile au début parce qu'on est amis, je pense. Après, ça demande du travail quand même, quoi. Nous, on dit souvent qu'il y a les ateliers de production agricole et que l'humain, c'est un atelier supplémentaire dans lequel tout le monde est. Mais c'est l'atelier humain. J'ai toujours envie de voir le lait comme ça qui sort de la fille de la vache. Là, j'ai peut-être un gobelet. Hein. Moi, j'aime pas trop le lait, en fait. Je dis à Hélène que j'ai fini. On vient avec toi. Allez. À côté, on entend les chèvres dont s'occupe Hélène, la bergère du groupe. C'est un très joli défilé de chèvres, là. Il s'appelle Olivier. Comment il s'appelle? Olivier. Il est super, non mais franchement. Oui. Hein. Il a une coupe. Mais ils ont souvent des boucles au début, puis là c'est déjà en train de défriser. Un peu me dire vraiment le lien que vous avez les uns et les autres, les 11. je pense qu'on est amis et après on travaille aussi ensemble, donc on est aussi associés, c'est-à-dire qu'on partage des responsabilités, on a des engagements ensemble. Parfois on compare ça un peu à un mariage parce que c'est des engagements qu'on a pris. Oui, un mariage parce que ça veut dire que vous êtes responsables les uns des autres. Ouais. Et qu'on s'est choisis. s'est dit qu'il fallait faire attention à ne pas être plus associé qu'amis, puisqu'en fait la ferme elle prend énormément de place dans notre vie, on est en cours d'installation, ça nous prend plein de temps. Et du coup, on a mis des choses en place pour qu'on garde un peu cet esprit. On s'est toujours dit que l'humain ça se travaille comme tout. Et du coup que en fait si on laisse les relations aller comme ça, elles peuvent se détériorer, on peut aussi faire moins attention aux autres et tout, et on s'est dit que c'est quelque chose à. Sur laquelle il faut veiller autant que sur le reste. Quoi. 11 ans, ça fait 11 ans l'amitié, ouais. Là. 11-12 ans, tu me dis. Mm. Donc ça veut dire que ça tient effectivement comme un mariage, un contrat. Mm. Incroyable, lui. Il se gratte entre les cornes. Et les chèvres adorent se gratter entre les cornes. Du coup, il casse tout. Billy, regarde. C'est bon. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire, là, Billy? De lui dire d'arrêter de casser tous les bouts de bois de la chèvrerie. Après avoir parcouru la France dans son camion aménagé, elle a posé pour un bon moment ses valises ici à la ferme de la Tournerie. Oh, je veux bien. En fait, toi, tu as un statut un peu particulier dans ce groupe. En fait, moi, j'ai beau être architecte ici sur la ferme. Quand je suis arrivée sur la ferme, j'avais le statut de woofeuse. Donc j'ai aidé aux différentes tâches. Et c'est par la suite que... Parce qu'il y a un autre architecte dans le groupe. Par la suite qu'on m'a proposé de travailler en architecture avec lui. Ce qui est mon métier à la base. Donc maintenant, on a une activité d'architecture sur cette ferme. Et pour garder quand même un lien avec le groupe dans le travail, je me réserve une journée encore de travail de GAEC sur la ferme avec eux, quoi. Par exemple, tous les jeudis, je décide de faire un peu de maraîchage ou un peu de fromagerie pour quand même garder ce lien de travail avec le groupe. Mmh. C'est ça. Et de l'extérieur, c'est vrai que ça donnait très envie de faire partie de cette famille qui faisait en sorte, par les discussions, par les réunions, par les repas qu'on passe ensemble, que tout le monde se sente bien et qu'il y ait une bonne humeur au sein du groupe. Et, Et ça, je trouvais ça bon, quoi. C'est vrai que ça fait du bien quand les gens prennent soin les uns des autres. Et cette bonne humeur aussi qu'on peut sentir, même s'il y a aussi des moments durs, comme les chantiers bois, les chantiers carottes qui sont en train de se faire en ce moment. Et du coup, ça nous lie pas mal de faire ce genre de choses ensemble, quoi. Après, quand on en reparle, c'est toujours... c'est des bons souvenirs au final, même si on était dans la boue, sous la pluie, pendant des semaines, comme aujourd'hui. Et on essaie surtout de chercher des moments agréables. Et puis même si tout le monde est différent, j'avais l'impression que... Enfin, que je retrouvais une part de moi-même un peu dans tout le monde. Et j'ai l'impression de les connaître depuis toujours, quoi. C'est un peu familial, quoi. Mais une famille de copains. Ouais. Voilà. Dans ce bureau. Max, tu travailles dans ce bureau tout le temps. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Là, je fais juste une facture. C'est une facture de fromage pour la Biocoop. Moi, mon rôle principal, c'est de faire du fromage. Donc, fromage de chèvre, de vache, du fromage blanc, du yaourt. La première année, on a eu une très mauvaise année en chèvre, une très bonne année en maraîchage. Est-ce que, en fait, seul, vous gagneriez autant si vous étiez installé en ferme avec vos parents ou quelqu'un? Enfin, est-ce que ça ne vous protège pas, au fond, d'être ce groupe? Si, je pense que ça nous protège économiquement. Le revenu est pour tout le monde le même. C'est-à-dire que, disons, les différents ateliers au sein d'une même structure, ça permet de compenser les aléas de l'agriculture. En fait, si on dépend juste d'une production, on va avoir un revenu un peu variable, alors que là, si on fait la somme de tous les revenus variables, en fait, on espère que ce sera stable. Voilà, je dis on espère, parce que c'est que le début de l'expérience, et on se rend bien compte que, par exemple, une sécheresse nous affecte tous, donc c'est vrai que... Après, la comparaison à si on était seul, elle est très difficile à faire, parce que il faut prendre en compte la mutualisation, c'est-à-dire que là, on a 4 tracteurs pour 11. Donc, généralement, les agriculteurs ont au moins 1 ou 2 tracteurs par personne. Donc là, étant donné qu'on n'a pas 22 tracteurs, on fait des économies. Je ne saurais même pas comment ce serait si j'étais tout seul. Je ne sais même pas si j'aurais fait ça si j'étais tout seul. Mais vous gagnez combien? Là, cette année, on est à 800 euros par mois. Voilà, donc au bout de 3 ans. Ça me semble pas assez. Notre objectif, c'est le SMIC, au moins. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la fraîcheur du groupe de copains d'école et à l'épreuve de la réalité? En fait, comme dirait notre formateur en communication non violente, nous avons quitté l'étape de l'enfance. Ou l'émerveillement, je vais faire ça et je suis content, voilà. Donc on est en train de traverser l'étape de l'adolescence. On commence à approcher l'étape adulte. Donc c'est vrai que là, c'est la confrontation à la réalité, les tensions, les j'en ai marre, etc. Voilà, l'étape de l'enfance est terminée, on n'y retournera plus. L'étape de l'adolescence, elle est déjà bien avancée. Et ensuite, on va voir l'étape d'adulte. Donc, Ensuite, encore plus tard, l'étape vieillesse qu'il nous a aussi annoncée, mais on verra. On verra. La journée se termine. Une faible lumière éclaire la place. On distingue à peine les collines alentour et les 84 hectares de bois et de forêt et de terres agricoles qui entourent la ferme disparaissent dans la nuit. Ici, avant l'arrivée des onze, une seule famille de paysans vivait et cultivait ces terres. Moi, je me vois bien être, avoir une vie commune, des choses à partager encore très longtemps avec les gens qui composent le groupe actuellement. Et vieillir les 11 ensemble, vous imaginez ça ? Ouais, on l'imagine assez bien. Dans les toutes premières réunions qu'on avait fait avant même d'arriver ici, quand on construisait le projet, quand on construisait le groupe, on avait fait des dessins de ce qu'on imaginait être notre retraite. Et quand même, sur la plupart des dessins, on était encore tous les 11. Voilà. On reviendra hein, tous les 10 ans en fait. Bah pourquoi pas. Merci aux 11 jeunes paysans de nous avoir reçus, 5 filles et 6 garçons. Merci à Clémence, Louis, Laurent, Thomas, Charline, Joséphine, Benjamin, Arciné, Hélène, Thomas. Il m'en verrait ici. Bon appétit. Prise de son, Cyprien de Limerville. Mixage, Alain Joubert. Histoire d'amitié, la ferme de la Tournerie, ou la force du groupe. Un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Véronique Samouilov. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter à la ferme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, amis pour la vie. Mais en attendant, restez à l'écoute.